si fuera la última vez. Y enséñame ese pasito que no sé. Un besito bien suavecito, bebé. Taki, taki, taki, taki, rumba. And tease it and squeeze it. When my piggyback is hungry, my nigga, you need to beat it. If the text ain't freaky, I don't wanna read it. And just to let you know, this Panani is undefeated. Ay, he said he really wanna see me more. I said we should have a date where at the Lamborghini store. I'm kinda scary, hard to read, I'm like a Ouija board. But I'm a boss bitch, who you gonna leave me for? You got no class, you bitches is broke still. I be talking cash shit while I'm popping my gold grill. I'm a whole rich bitch and I work like I'm broke still. The love be so fake, but the hate be so real. Sobresale de mi traje, no traje panticito pa' que el nene no trabaje. Es que yo me sé lo que tú crees que tú no sabes. Dice que no quiere, pero se quiere comerle el equipaje. Báilame como si fuera la última vez. Y enséñame ese pasito que no sé. Un besito bien suavecito, bebé. Taki, taki, taki, taki, rumba. Could keep it tight every day. And I know you need a taste. Now, ooh, I'm falling in love. Give a little ooh, ooh, get it well done. Dance on my ooh, make a girl wanna run. We keep moving till the sun come up. Porque I am the party. It's a fiesta. Blow out your candles and have a siesta. We can try, but don't know what can stop me. What my talkie talkie wants, get my talkie talkie gives on. Báilame como si fuera la última vez. Y enséñame ese pasito que no sé. Un besito bien suavecito, bebé. Taki, taki, taki, taki, rumba. Énergie, c'est Cédric, on est mardi matin, le 4 décembre. J'espère que tout va bien pour vous, vous avez tous bien dormi. On va écouter Ariana Grande dans la playlist Énergie. Il y aura aussi The Prince Karma et Claudio Capeo. Ce sera juste après le meilleur de Mickaël sur Énergie, 23h tous les soirs. Et Jonathan a joué avec nous la semaine dernière aux 2 secondes, je te reprends. On se fait ça maintenant là sur Énergie, écoutez. Et nous allons jouer aux 2 secondes, je te reprends. Salut Jonathan. Salut tout le monde, salut. Ça va? Bonsoir. Ça va, Mickaël? Le jeu est très simple. Tu veux jouer contre qui? Toff, Polo, Amina ou moi, Jonathan? Moi, je vais choisir Polo. Eh ben, tu choisis Polo, très bien. Le jeu du 2 secondes, je te reprends. Le principe est simple. Vous allez donc chacun à votre tour appeler des gens au hasard. On appelle au Canada pour que ça décroche plus facilement à cette heure-ci. Et donc, le principe, c'est que tu vas devoir interrompre la personne qui va décrocher tout le temps en disant ah, attends 2 secondes, je te reprends. Ah, attends 2 secondes, je te reprends. Enfin, tu vois, non-stop, quoi. Dès que tu le reprends, tu dis de nouveau que tu dois le reprendre dans 2 secondes. Et donc, le but, c'est tenir plus longtemps que Polo en l'occurrence. Jonathan, tu commences ou tu laisses Polo démarrer? Moi, je vais laisser Polo démarrer. Allez, hop. Oui, allô? Oui, allô? J'appelle de France, mais j'ai un petit problème de téléphone. Attends 2 secondes, je te reprends. Excuse, attends 2 secondes, je te reprends. Hein. Bah, c'est un peu compliqué. Ouais, allô? T'es qui? Attends 2 secondes, je te reprends parce qu'il y a un problème sur le téléphone. C'est un lien. Ouais, je sais pas moi, ce j'ai passe. Un problème avec toi, là. Mais non, mais attends 2 secondes, je te reprends. Je suis pour rien, c'est un problème de téléphone. C'est le réseau. Oui, mais t'es qui? Allô? Attends 2 secondes, je te reprends, c'est important. C'est un truc important. Attends 2 secondes, je te reprends. Ouais, ouais, c'est une question ça, d'argent, toi. De vie de mort. Attends 2 secondes, je te reprends. Allô? Oh, et c'est ouais. Quoi ce problème? Oui, oui, oui, oui. Attends 2 secondes, je te reprends. Ouais, ça fait 15 fois que tu me le dis, là. Prends les Chris. Allô? Attends 2 secondes, je te reprends. Allô, va chier. Ah oui, voilà, oui, oui. Oh, 46 secondes. Et Polo, c'est quand même pris, hein. Ta gueule et va chier, hein. C'est pas grave, ouais, c'est le jeu, ça, c'est le jeu. C'est le jeu. Respect, oh, pas le mal mec, du je tout. Le dérange. Mais normal, je le dérange, le bah pauvre. Oui, 46 secondes. Bon, ouais, Jonathan, à toi de jouer, gros. Voilà, c'est parti. T'es prêt, Jonathan? Ouais, vas-y, je suis prêt, c'est bon. Allez, go. Si, allô, excuse-moi de te déranger. Attends 2 secondes, je te reprends. Attends, tu m'entends? Oui. Oui, attends 2 secondes, je te reprends. Je suis perdu, j'ai besoin d'un coup de main. Attends 2 secondes, je te reprends. Mon j'ai service, pas de si j'en raccroche. Paf dans ta gueule. Parfait. Je suis un spécialiste. T'as demandé un service. Dès que tu demandes un service, les mecs ils vont penser que tu vas les arnaquer, que tu leur veux de l'argent. Ah ouais. je suis perdu. Il va se dire, je sais pas, quitter ta gueule. Il va dire, je suis perdu, tout ça. Ah non, ça démarrait mal, Jonathan, ouais, malheureusement. C'est dommage. C'est dommage. Jonathan, dans ta gueule. L'autre, il a gagné par chat, on aurait dit Amina en mec. Mais c'est une blague, j'ai rien à voir dans l'histoire et que t'es encore en train de me blâmer. Quoi. Qu'est-ce qu'elle a fait, la pauvre? Merci, il me défend. Bah oui, c'est ça, en pour tout une cas, fois. J'attends, ça fait une double. Mais quelle erreur. Double quoi? WF. L'embrasse. WF ? D'accord, ok, très bien. J'adore m'exhiber. Bah, on non, est ravis de la prendre, Amina, mais ok. C'est un son enregistré. Oui, je ne vais pas m'égosiller et abîmer cet organe qui vaut des millions. Tu parles. Je ne mets pas de string, de toute façon, comme ça, c'est réglé. Mais pourquoi j'ai dit ça ? C'est une blague ? Non, ça, c'est un montage. Mais non ! Mais pourquoi montage pas de string, quoi ? C'est toi qui en parle ! C'est une blague. Bah, quelle occasion j'ai dit ça ? Mais t'as un problème. Tu vas arrêter parce que je vais finir, c'est moi qui vais finir par aller dans un asile parce que, à force de répéter la même chose, je comprends. T'en es pas loin, mais, ouais, non, mais ça, il doit y avoir une suite. Genre, je mets pas de string sur ma tête ou je mets pas de string. Enfin, il y a une suite, c'est sûr. C'est ça, ouais, c'est mais ça. Oui, ouais, ouais, ouais, bien sûr. Je bien me sûr, connais sûr, quand même. Bon, Jonathan, c'est perdu en tout cas, c'est pas grave. Tu rappelles quand tu veux, tu rejoues avec nous quand tu veux aussi d'ailleurs. Ok, y'a pas de soucis, ça roule, tu vas avoir un polo et continuer comme ça. Eh ben, c'est gentil. Salut à toi, à bientôt. Merci, salut. Ciao, bye, Jonathan. Mickaël. Rendez-vous ce soir dès 23h sur Énergie. Et toujours sur Facebook, Twitter et Instagram. Et Mickaël officiel. Elles sont liées bien souvent et parfois elles sont libres. Elles font des cerfs-volants, elles écrivent des livres. Parfois elles sont ouvertes, parfois elles sont courantes. Il y a des gens qui les ferment et des gens qui les tendent. On les met sur le cœur, on les met dans les poches. Elles construisent des parcs où vont courir les mioches. Si elles servent à sévir parfois autour du monde, on pourrait les unir, ça ferait une ronde. Donne-moi ta main, gamin, et t'en prends la scène et nous ferons une ronde, une échelle. Donne-moi ta main, gamin, et reprends la scène, nous tournerons en rond, allez, ma peine. Donne-moi ta main, donne-moi ta main, gamin, et nous tournerons en rond, allez, ma peine. Parfois elles sont heureuses, parfois elles sont si seules. Elles sont baladeuses, tu les prends dans la gueule. Elles sont nues bien souvent, y'a des gens qui la gantent. On les met à couper, y'a des gens qui les demandent. Donne-moi ta main, gamin, et t'en prends la scène et nous ferons une ronde, une échelle. Donne-moi ta main, gamin, et t'en prends la scène, nous tournerons en rond, allez, ma peine. Donne-moi ta main. J'étais perdu, tu sais, comme toi, dans la peine, j'ai attendu que l'on prenne la mienne. D'une main tendue, tu sais, on peut faire des chaînes, et aujourd'hui, c'est moi qui prends la tienne. Donne-moi ta main, gamin, et toi prends la sienne, et nous ferons une ronde, une chaîne. Donne-moi ta main, gamin, et nous tournerons en rond, allez, ma peine. Donne-moi ta main, gamin, et donne-moi ta main, gamin, et nous tournerons en rond, allez, ma peine. Vous êtes sur Énergie, bonjour tout le monde, bon réveil, belle journée, j'espère que ça va ce matin. Bon, ce sera sous la pluie aujourd'hui, hein, pour pas mal d'entre vous, on va en parler tout à l'heure. Là, on démarre la journée avec Ariana Grande, The Prince Karma juste derrière dans le pays Energy, puis le meilleur du Rico Show. C'est à 20h le soir sur Energy, le Rico Show, et le double hit est passé dans l'émission, écoutez. Le podcast du Rico Show, 20h-23h, sur Energy. Eh oui les amis, c'était le double hit. This is Pink. Et Malik se fait déjà un VTC tout seul. Hein. Il est avec son client déjà depuis 3 minutes. Il est dans la voiture, ouais. Ça tchatche, il ne démarre pas. Hein. Il est comme un ouf, il est dingue ce génial. Type. On va annoncer qu'il est recherché. Il y a Lucie qui dit: moi, je veux gagner Pink. Ah. Eh bien, les amis, j'appelle. J'appelle et c'est peut-être vous qui allez venir à Paris le 3 juillet pour le concert de Pink. C'est énorme. Hôtel, restaurant, vol. Oui. Il y a tout le monde qui rate. Allô, qui est là? Est-ce que c'est Pauline? Oui! Ah, j'entends plus. Ah, vous l'entendez? Allô? Allô, oui? Allô, j'entends pas Pauline. Allô, Pauline? Oui, non, je suis là. Approche-toi d'une fenêtre. Allô, Pauline? Changez de pièce. Oui. Bon, on va prendre non. Daisy, c'est pas grave. Non, Pauline, on l'a pas entendu. On va prendre Daisy. Daisy! Daisy, est-ce que tu m'entends? Bonsoir à tous, bonsoir, merci. Salut Daisy. Salut, je suis trop contente. Oh, j'ai coulé vous. Pauline, elle nous a cramé. Pauline, non. C'est toi qui vas aller voir Pink à Paris, t'as gagné. T'es contente, ma Pauline? Ah, mais oui, trop. Pauline de Périgueux, je suis contente de te faire ce cadeau et je suis content avec énergie de t'envoyer kiffer avec Pink à Paris le 3 juillet, wow. Ok? Merci beaucoup. Bravo. On t'aime, ma Pauline. Continue de nous écouter, merci, on t'aime fort. Oh, c'est beau. Merci, quand on débat, c'est parfait. Pauline, on te laisse te remettre de tes émotions. J'aimerais bien faire cet effet, une femme. Ça n'arrivera pas avant 20 ans. Purée, je m'appelle pas Pink. Ouais, change de couleur des cheveux, fais-toi du rose. Ouais, il va falloir que je me mette à chanter quelque chose. Faire pas le sport. Ah, c'est gentil, Pauline. Hein. Vas-y, enfonce le couteau. Vas-y, remue-le dans la plaie, fais-toi plaisir. Pink bonnerie. Ouais. Ah ouais, c'est ça. Marche. Ce serait fort. Hein. On t'embrasse, Pauline. Merci d'être passée en tout cas. Raccroche pas, sinon on peut pas te l'offrir. Hein. Ah. Ouais. Pas de soucis. Je peux te dire que là, raccroche pas. Bisous, ma Pauline. Retrouvez tous les podcasts du Rico Show sur le site et l'appli Énergie. Et en direct tous les soirs du lundi au vendredi de 20h à 23h. Sur Énergie. Lyon. Un peu de respect, faut respecter. Quand une lionne arrive à tout gérer, un de perdu, mais elle s'est retrouvée. Pas besoin d'un homme qui l'empêche d'avancer. Elle a ses règles et sa fierté. C'est pas elle que tu verras mendier. Célibataire ou femme mariée, ça ne change en rien sa façon de penser. Fort caractère, elle sait dire non. Elle dit jamais son dernier mot. Et tu peux lire sous ses paupières, déterminée. Elle agit, elle ne parle pas, Yona parle. Si tu lui donnes la misère du monde, elle va tout assumer. Si tu lui donnes la richesse d'un homme, elle va tout assumer. Elle mettra toujours la famille d'abord. Elle va tout assumer. Le genre de femme qui à chaque problème s'en sort. Elle va tout assumer. Très bien comment gérer sa vie. Charismatique, magique. Elle est sexy. Elle prend soin d'elle malgré tous les soucis. Elle prend des risques, elle réfléchit. Pas besoin de te demander ton avis. Son objectif, la réussite. Son amour ne connaît pas de limites. Fort caractère, elle sait dire non. Elle va tout assumer. Tout assumer. the waiting line. This is complete and total bullshit. If I show you my tits, will you let me in? Can you just take another drink with me? Thanks. Later, bitches. Bitches. Et c'est Cédric sur Énergie, j'espère que vous passez un bon moment là avec nous dès le réveil. C'est la playlist Énergie, Dadju, Imagine Dragon, ça va Max, ça arrive, aussi Soprano. Chez Koé sur Énergie demain soir, petit concert privé là pour les auditeurs d'Énergie dans le hall de la radio. On est sur ça aussi sur l'application Énergie. Soprano chez Koé demain à 17h sur Énergie. Et voici le meilleur de l'émission. 17h-20h, c'est Koé sur Énergie. Zia qui habite Cahors, comment ça va Zia? Salut Coco, salut tout le monde. Salut Zia, est-ce que tes parents ils t'ont appelé Zia à cause des... Ah, des... Oui. Comment s'appelait cette série? Esteban Zia. Ah Zia oui. Ah Esteban Zia. Et Tao, les cités d'or. Je leur ai pas demandé. Mais tu connaissais pas les cités d'or? On n'a pas le même âge. Enfant. Déjà, on n'a pas le même âge, mais sache que le dessin animé, il repasse à la télé depuis des années, et il y a même une nouvelle version qui repasse à la télévision des cités d'or. Et bim. Ok. Ça s'appelle la culture. Tout le monde connaît les cités d'or. Mais non, mais il y a pas de piqûre, Coco. Je t'adore, mais tout le monde connaît les cités d'or. Mais je leur ai pas demandé, mais je vais leur demander. Merci beaucoup. Tout de suite. Déjà. Voici le qui se sait. Le principe du qui se sait, je vous donne des indices. Le premier qui me trouve qui se sait gagne une PS4 Pro. Une PS4 Pro. Vous êtes prêts? Attendez, je cherche les indices, je les trouve pas. Allez-y, parlez entre vous, en fait, comme si je n'étais pas là. Tiens, okay. Tu les veux? Je trouve jamais ces trucs-là, ça me saoule. Alors, tiens. Merci beaucoup, Michel. On y va? On va lui mettre des intercalés. Oui, bonne chance, Lucie. Oh, bon, c'est mignon. Ah là, faisais pas avec esprit guerrier, là. Dis pas bonne chance, dis je vais te bouffer la PS4. Allez-y. Ça, c'est bien. Voilà, Lucie, j'aime cet esprit Pierre de Coubertin. Je vais te défoncer. Très bien. Voilà. Allez, premier indice. Alors... C'est long et dur, mais ça peut être mou aussi. La quéquette. Direct. Bon, bah, ça, c'est fait. Non, ce n'est pas la quéquette. C'est qu'une boîte pervers, mais la quéquette. La quéquette. Déjà, ce mot, je ne l'ai pas entendu depuis longtemps. Non, j'ai dit la quenne. Une quéquette. Quoi? La quenne. Mais pourquoi j'entends rien au niveau du téléphone? C'est moi ou on n'entend que dalle? Non, c'est toi. Mais non, on a tous entendu la quéquette. J'ai entendu la quéquette aussi. Ouais, on a tous entendu la quéquette. Ouais. Ta quéquette, elle a dit. Ta quéquette. Eh bien, c'est ni la mienne, ni celle de quelqu'un d'autre. Deuxième indice. Et vous verrez pourquoi. Deuxième indice, ça pue de ouf. Ça pue de ouf. Ça pue de ouf. C'est long et dur, mais ça peut être mou. Ça pue de ouf. T'as kéké. T'as kéké. Oh, hé hey. Ça va, arrêtez, on dirait des enfants de 5 ans. T'as kéké. Oh là là. Du saucisson, voilà, heureusement que vous jouez. Non, c'est pas du saucisson. On continue, on donne moi des mots. Moi, je l'ai dit un poil de cul. De coco. Placé à côté de la quéquette. Non. Non. C'est pas dur. Hein. Ça s'avale, mais faut pas en abuser. Ah, la quéquette. La poil de cul. Le jus de noix de coco. Dur, ça pue. Alors, attends, Lucie, tu as dit quoi? Moi, j'ai dit le jus de noix de coco. Le jus de noix de coco. C'est long et dur, du jus de noix de coco. Et ça pue. Non, ça sent bon. Ouais, ça dépend en fait. Il y a un peu de moisi dessus, mais c'est pas grave. Ah, bah un poil de quéquette. Un fromage. Un fromage, oui. Mais lequel? Ah, le bleu. Non, c'est long et dur, mais ça peut être mou. Ah, le maroilles. Non. C'est fait à partir d'un de liquide blanc, mais c'est pas du lait de vache. Mais il est écœurant ton truc là. Ah, oui, c'est fait alors, pour. Attends. Long, dur, un fromage. Bah, un fromage. Le brie. Non, long, dur. Long, mais rond, rond. Long. Long, rond, dur. Mais mou dedans. Mais mou dedans. Long, rond, dur, mais mou dedans. Ça pue. Elle peut être de Noël. Ah, oh, je vous aide. La bûche. Oui. Donc, donc. La bûche de chèvre. La bûche de chèvre, ouais, si, oh, c'est bon, c'est gagné. La bûche de chèvre, ben c'était ça. C'est long et dur, mais ça peut être mou. C'est, ça s'avale, mais faut pas en abuser. Du fromage, il y a un peu de moisi dessus. C'est un liquide blanc, mais c'est pas de la vache, puisque c'est de la chèvre. Ça pue de ouf. Et ça peut être à Noël, la bûche de. Et voilà, c'est réglé, Zia. La PS4, ma chérie, on te l'envoie à la maison. Oh. C'est Coé, c'est à 17h, c'est sur Énergie et en podcast sur énergie.fr. We turning it up, yeah. We turning it up. Ain't got no tears in my body. I ran out, but boy, I like it. I like it. I like it. Don't matter how, what, when, who tries it. We out here vibing. We vibing. We vibing. Even when it's raining down, can't stop. Can't stop. So shut your mouth. The colors in you, I see them too. And boy, I like them. I like them. I like them. We way too fly to partake in all this hate. We out here vibing. We vibing. We vibing. Come even when it's raining down. Can't stop. Can't stop. So shut your mouth. We turning up, yeah, we turning it up. Energy, hit me. Every one of them is giving up and giving in. Tell me, in this house of mine, nothing ever comes without a consequence or cost. Tell me, will the stars align? Will heaven step in? Will it save us from our sin? Will it? Cause this house of mine stands strong. That's the price you pay. Within the past, knowing we are the youth, caught until the beast out of world without the peace, facing a bit of the truth. Salut tout le monde. Bonjour, ça va ce matin, j'espère que tout va bien pour vous. On va écouter Avamax dans le playlist Energy. Nouveauté, Soprano juste derrière, Panic at the Disco. Et puis bah, le meilleur de Mickaël sur Energy. Mickaël, c'est tous les soirs de 23h jusqu'à 3h du mat. Et un auditeur la semaine dernière est intervenu à l'antenne sur Energy pour un problème avec les nanas. Et écoutez la fin, c'est comment dire surprenant, écoutez Vincent avec nous à Aix-en-Provence. Salut Vincent. Salut Mickaël, ça va? Ça va et toi? Salut. Ouais, je fais la grippe, je suis malade. Ah oui, non, bah alors on va te reprendre à un autre moment, j'ai pas envie que tu nous contamines, Vincent. Hein. Ah, mais c'est pas grave, hein. Ah ouais, non, mais bon, n'éternue pas trop, hein, parce que bon. Bon, non. Vincent, de quoi on parle avec toi dans un instant? Bah écoute, j'étais avec ma copine depuis plusieurs mois. Oui. Et bon, je me suis rendu compte que sa jalousie et sa possessivité, ben bah, ça bousillait notre couple. D'accord. Et du coup, j'avais fait le choix de vouloir rester célibataire parce que j'en avais ras le bol. Et que voilà, ben, ça fait plusieurs fois que je suis en couple, que je tombe avec des filles comme ça. Et donc, je voulais avoir des conseils de personnes qui n'ont même cas que moi. Et aujourd'hui, j'ai ma meilleure amie qui m'a ouvert les yeux, qui m'a dit, écoute, que ce serait quand même con, à l'âge que tu as, que tu finisses seule, parce que je pourrais avoir une fille sérieuse, on va dire. Ça va être non, en gros, t'as ta meilleure amie qui te fait du rentre-dedans, quoi. Bah non. Non, parce c'est, que. C'est bon, pas elle qui avait. Même si elle se rend dedans, je dirais non, parce que. Non, elle lui ouvre les yeux. D'accord. Ouais, ah, elle l'a conseillé, quoi. D'accord. Donc la voilà, je vais avoir un peu des conseils parce que. Ma meilleure amie, elle m'a dit que tu mettais un petit achat, c'est bon, moi, je sais pas, tu vois. Donc, je voudrais savoir si c'est des gens qui étaient comme moi et voir un petit peu où ça les a amenés. Nulle part. Mais attends, mais oh, qu'est-ce qu'il est gris, celui-là. C'est grave, il est quand pas même. Gris, il est pas gris. C'est la attendez, vérité. Attendez, on va attends, attendez. Vincent, c'est, donc ta question, parce que t'es parti dans tous les sens, ta question c'est quoi? C'est pas, ça fait pas 4 fois qu'il nous appelle pour un suicide. Si, tu nous as déjà appelé, Vincent, plein de fois. Pour la même chose. Non, ouais, non, non, non. Ça fait 15 fois que je vous appelle au moins. Et donc vas-y, donc répète en de manière courte. Donc, parce que les autres moi... ils t'accueillent pas ou c'est juste parce que tu nous préfères? Oh. Tu es bête. Non, excuse-moi Michel. Michel, pardon. Genre, oui, oh, Michel il est pas là. Et puis donc? Non, en fait, c'est que voilà, j'en ai marre, tu vois. J'ai dit, putain, à toi seul, tu vois. Ouais, tu peux faire ce que tu veux. Non, trois buts, Vincent. Quelle est ta question? Ah, oh, mais quel aigreur! Oui, bah vas-y. Mais moi, je suis pas en train de dire. Si, tu l'agresses. Je m'en sors à rien à foutre. Si, il agresse. Ça fait 20 fois. C'est comme si. Ça fait 20 fois qu'il appelle pour dire la même chose. Bon, résume, on veut savoir pourquoi il appelle. En gros, Vincent. Mais c'est toi, grosse gag, la Salanus. Vincent, arrête-moi si je me trompe. Mais en gros, lui, il avait une copine, etc., qui lui prenait la tête. Il tombe tout le temps sur des nanas hyper jalouses qui lui pourrissent la vie. Donc, il a décidé de rester célibataire, sauf qu'aujourd'hui sa meilleure amie lui a dit non, tu ne peux pas prendre la décision de rester célibataire parce que tu vas le regretter et finir tout seul. Et donc il veut savoir. Mais de toute façon, avec ou sans cette décision. Il se demande s'il a, pris, il a fait le bon choix, en gros c'est ça. Très bien. Quoi? C'était une balle. Amina va percuter. Non, je peux percuter, qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi votre problème encore? Non, rien, t'inquiète. Il a fait le choix de rester célibataire et il y a sa meilleure amie qui dit que bah il ne devrait pas. Vincent? Maintenant il roupille. Et oui, Vincent nous a quitté. Mais il ne l'a pas déjà fait celle-là? Si, si, je pense. Si, je crois bien, mais. Putain, dormir à côté d'un mec ou d'une meuf qui. Je le frappe. Bah, la bonne nouvelle, c'est qu'il se demandait s'il avait fait le bon choix, mais je crois qu'il n'a pas le choix d'être célibataire en fait. Ça, c'est réglé. Mais moi, un mec comme ça, je le fous à la rue. Hein. Bon, en fait, ces meufs, elles étaient pas surjalouses, elles faisaient exprès pour le dégager. Ouais, je pense, ouais. Exactement. Bon, écoute, on va quand même le laisser encore dans le standard des fois que. Oui, oui. Des fois que, quoi. Mais tu des peux fois le laisser que... en fond sonore, tu sais, ça non, fait quelle horreur. L'émission. Quoi. Ah, ouais, tu parles, ouais, bah, c'est ça, je préfère encore les vêtements de Toffs pour dire. Mickaël. Mickaël. Rendez-vous ce soir dès 23h sur Énergie. Et toujours sur Facebook, Twitter et Instagram. Et Mickaël officiel. Oh, she's sweet but a psycho, a little bit psycho. At night she's screaming, I'm on my mind, out my mind. Oh, she's hot but a psycho, so left but she's right though. At night she's screaming, I'm on my mind, out my mind. She'll make you curse, but she a blessing. She'll rip your shirt, but in a second you'll be coming back, back for seconds. With your play, you just can't help it, no. Play along, Hermano Charo est là. J'suis toujours resté le même, j'suis toujours resté le même. Je suis toujours resté franc, oui, comme ma première SACEM. 20 ans au-dessus de la mêlée, je ne sais pas m'arrêter, je sais que je devrais en laisser. Mais bon, je ne sais que les dresser, car j'ai ça dans l'ADN. Non, je ne sais pas faire autrement, je ne sais pas faire doucement. Je les entends me tailler, normal, on taille que des diamants. J'ai dû hériter de la baraque de mon voisin Zinedine. À la baraque, il y a une décennie de trophées, mais que des retournés à la Gareth Bale. Les baffés leur donner le tournis quand tombaient les tout derniers chiffres. De leur carrière, j'ai pas tourné la page, mais j'ai plutôt fermé le livre. Mélanger les styles et les gens depuis tellement d'années qu'ils n'arrivent plus à suivre. Donc obligé ce soir de leur expliquer ce qui leur arrive. Viens, zoom, zoom, zoom, comme Diego dans la Bombonera. Comme Savastano dans la Scampia. On vient rentrer dans la leyenda. Vous êtes sur Énergie, bonjour tout le monde, bon réveil, on démarre ensemble à cette journée avec la playlist Énergie, Panic at the Disco, Kaysar Panda, Shawn Mendes, ça arrive pour vous ce matin, puis le meilleur du Rico Show sur Énergie, c'est à 20h tous les soirs le Rico Show avec les news de Rico, écoutez, c'était la semaine dernière sur Énergie. Le podcast du Rico Show, 20h-23h, sur Énergie. Je parlais de cette loi avec mon Bastien qui a fait le 0870-42-48. L'Assemblée vote la fin des fessées sur les enfants. Ah. Non mais c'est pas une connerie, ils sont en train de la voter. Alors pour ou contre la fessée, Sylvain? Bah tant qu'ils l'interdisent pas au plumard, moi ça me va. Ouais, et je sais que t'as pris beaucoup de fessées et je me dis qu'il faut effectivement arrêter parce que je te sens pas équilibré du tout. Ah non, moi j'ai pris des coups de ceinture moi. Ah ouais, c'était à l'ancienne. À l'ancienne, c'était il y a 60 piges ça. Absolument contre, parce que comme tu as dit, ça crée des monstres de foire comme Sylvain. Ouais. Psychologiquement, c'est dur pour l'avenir. Ah, moi j'en ai pris une paire de fessées. Regarde-toi. Ça fait du bien de temps en temps. Exactement, ça fait du bien de temps en temps. Ça fait circuler le sang. Ça fait un aller-retour et ça fait du bien. Je sais pas où, j'ai l'impression que Sarah en a besoin d'une. Bon cucu, Sarah. Mais pas du tout, je m'en suis prise quand j'étais petite. Mais le problème, c'est que tu t'en prends plus. Mais vous êtes malade, vous. Vous êtes con, les gars. Bon week-end là-dessus. Bastien, pour ou contre la fessée, mon poulet? Bah, ça dépend du contexte, hein, voilà, comme disait Potard, tout ça, voilà, ça se négocie. Monsieur mais... Potard. Non, non, Monsieur Potard. Mais il est fou, c'est Monsieur de Potard. Monsieur de bêtises, Potard. Ah, mais c'est vrai. On va parler d'une technique de défense que vous pouvez utiliser, tiens, contre la fessée. C'est une université qui donne des palets de hockey pour se défendre, c'est pas une vanne. Vous savez qu'aux États-Unis, de temps en temps, il y a des tueries. Ouais. Et c'est un directeur, malheureusement, hein, puisque là-bas, les arbres sont en vente libre. Il a dit, écoutez, c'est simple, on va mettre des corbeilles de palets de hockey, et quand les mecs arrivent, on leur lance les... Frérot, je vois pas le mec qui arrive qui dit « Ah ! Un mec avec une calache ! Et si je sortais mon palais ?» Moi, ce que je fais, mon frère, je cavale et je vous laisse jeter les palets. Et le gars a dit, tiens, on va mettre des palets, on va les lancer sur les types parce que, je cite, un jour, j'en ai pris un dans la tronche, hein, en gros, hein, ouais. C'est écrit en anglais, et du coup, ça m'a sonné. Donc, je le préconise, du palet dans la tronche. Ah ouais, bah, ah, mais c'est bizarre, franchement, ouais, je suis pas sûr que ça serve à quelque chose. Si tu vises bien, au bon endroit. Bah, arrête, qui va arriver contre une arme avec un palet de hockey. Dans les coucougnettes, je suis désolé, il lâche son arme. Ah, bah, il faut savoir viser. Hein. Ouais. T'as fait des ricochets, toi, sur la Garonne. Je suis entraîné du côté de Toulouse, je me suis fait 2-3 séries de ricochets, je suis à pec. Non, mais ils auraient pu plutôt mettre des compas. Ouais. Tu vois, pour jouer aux fléchettes. Ouais, bah super. Mais les deux, c'est aussi bête l'un que l'autre. Hein. T'imagines si t'étais directeur adjoint, on se régalerait. Attends, ça fait plus mal qu'un galet, un compas. Non, arrête. Bastien, tu les lancerais, toi, les palets, alors qu'il y a un assaillant dans ton lycée ou dans ton collège, sérieux? Non, clairement, j'ai un truc plus simple, une photo du sexe de Potard. Ah ben là, les gars s'arrêtent. Hein. Ah c'est mitraillette. Ah, ouais, là, ça, ben j'envoie tout de suite un mail au Dirlo. Ça tombe, on y va, on va lui en parler. On va parler aussi d'une excuse du jour. Ça m'a fait rigoler là. Il y a un club en fait qui a inventé la mort d'un joueur pour ne pas jouer un match. Ah ouais. C'est pas une vanne. Ils se sentaient pas prêts. Ils se sont dit non, on va prendre une fessée. Donc du coup, en fait, ils ont dit voilà, on a un joueur qui est décédé, on ne peut pas jouer. Et la ligue a sévi évidemment. Et elle est pas d'accord du tout avec ses méthodes de loubar. Mais oui, c'est très grave. T'es choqué, ma sœur? Non, franchement, je suis choqué. Mais le gars est en vie. Et c'est quoi les suites? On veut savoir. Le gars est vraiment en vie. Et du coup, la ligue s'est saisie. Et ils vont être exclus de leur championnat. Oh là là. Voilà ce qui va se passer. Ils ont fait la minute de silence et tout. C'est pour un gars qui est pas là. C'est pas pris un palais par hasard. Il aurait dû. Hein. Celui qui a eu l'idée, ça l'aurait fait bien d'aller jouer au hockey. Retrouvez tous les podcasts du Rico Show sur le site et l'appli Énergie. Et en direct tous les soirs du lundi au vendredi de 20h à 23h. Sur Énergie. Always had a vision, always had high hopes. Cari te llama, suéltate el pelo y salta de la cama. Estamos ready, la noche es muy larga, así que vamos a quitarnos toda la caña. Si tú estás bien, habla portugués, conmigo mujer y si no pues tú no ven. Esta noche yo voy a hacerme con el balque, de noche me flauco como Yandé. Con tus amigas en el barrio, guaraná, rumba y tequila. Déjate el tren, mamacita. Todo el mundo quiere, toda la mami lo quiere. Sé que prefiere, mami, tu cuerpo no miente. La gente me echa, Bogotá para rumbear y Bogotá para danzar. No llego todos a Pipura y en el oriente, todos quieren fiesta y bailar. La gente me echa, la gente quiere fiesta y rumba, ya la vea, quiero el ritmo sin ley. Papi, Pipura, vamos a romper. Cédric sur Énergie, bonjour tout le monde, bon réveil. Qui a envie de gagner cet après-midi sur Énergie à 17h30 dans le Cash Cash Énergie jusqu'à 10 000 euros? Vous peut-être, oui je pense bien. Bon, vous envoyez Coé au 7-10-12 dès maintenant. Coé sur Énergie vous offre jusqu'à 10 000 euros cet après-midi. D'ici là pour vous, c'est le meilleur de l'émission. Et dans la playlist Énergie, ce sera Shawn Mendes plus Marnik & Smack sur Énergie. 17h-20h, c'est Coé sur Énergie. Monsieur Kinvey, après, dans un instant, vous allez chanter, êtes-vous prêt ou pas? Et vous allez surtout me dire, est-ce que vous l'avez tweeté ou pas? J'ai une série de phrases, tu me dis si tu l'as tweeté ou pas. D'accord. Les bimbos me laissent de marbre. Nabila, c'est non. Tweeté. Attends, laisse-moi finir. Nabila, c'est non, il n'y a pas de discussion possible. Autant parler à une canette de coca, alors, c'est plus rempli. C'est, alors, c'est pas tweeté comme ça du tout. Moi, j'ai tweeté une réponse à Nabila qui a vu ça sur un article. J'ai jamais dit ça de Nabila, je ne parlerai pas d'elle parce que j'ai rien contre elle, je la connais pas en plus de ça. Par contre, oui, effectivement, tout ce qui est bimbo, donc. Quand on dit bimbo, on dit corps de rêve et rien dans la tête. C'est pas un j'ai pas de préjugés envers les Nabila du tout. C'est juste que les gens qu'on appelle bimbo sont censés être comme ça. Moi, ça m'intéresse pas. Je préfère parler d'une canette de coca. Ça, c'est vrai. Mais rien contre Nabila, c'est la personne d'accord. qui a fait l'interview qui a fait un raccourci. Très bien. Elle te répond la canette. Moi, attention, justement, monsieur, elle te fait. Tu dis, je suis rentré tard hier. Oh tiens, je vais regarder la télé. Elle laisse tout passer. On continue. L'avez-vous dit ou pas? Niquez tous vos races. Pas de clip vendredi ni d'album. Je m'arrête là. Ça c'est dit ça. Oui. C'était quoi? C'était un coup de buzz de. Ouais, c'était pour fucking Vey. En fait, je me suis dit quitte à le faire. Ils aiment bien la violence. Donnons-leur de la violence. Moi, je préfère la paix, mais donnons-leur de la violence. Là, tu dis ou pas? Rouen, c'est un peu comme Kingston en Jamaïque avec moins de soleil. J'aurais pu, mais non. Tu l'as pas dit. Là tu dis ou j'ai pas. J'ai douté tellement, c'est con, j'ai douté. Là tu dis ou là tu tweeté ou pas. Si je ne suis pas disque d'or avec ce titre, je me coupe une couille. Non. Tout ça, je c'est pas. Non. Ouais, on joue pas avec ça. Hein. Non, je sais que ça marche pas fort. Déjà, alors, déjà, niveau fonctionnement, il y a un problème. C'est en plus, on les coupe. Et là tu dis ou pas. Si c'est ceux qui parlent le plus de sexe qui en font le moins. Rien qu'avec les paroles de mes chansons, je devrais être puceau. Oh putain, c'est possible, mais non, je crois. Si, je dis ça? Non, je dis non. Non, tu l'as pas dit. Là, tu dis ou pas? J'ai bien dit, dit et pas écrit.

see what I mean. There's a mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone, someone, someone. Sur Énergie, c'est Cédric. Bonjour tout le monde, on est mardi. Je serai vous, j'écouterai bien Manu dans le 6-9 sur Énergie en direct tout à l'heure. Il peut peut-être, pourquoi pas, passer la playlist Suprême Énergie, c'est-à-dire Angèle, Marshmello, Big Flo et Oli, Marnik et Smack, 3 cafés gourmands. Si c'est le cas, vous appelez Énergie 3937, vous gagnez, écoutez bien, 50 000 euros sur Énergie. En attendant, on écoute Kenny Silva et le meilleur de l'émission sur Énergie. Énergie vous souhaite un joyeux Noël avec Manu dans le 6-9. Je peux partager un moment de vie que j'ai eu avec Paulette. Vas-y. Ouais. Ça s'est passé vendredi. Paulette m'a sorti peut-être la phrase qui m'énerve le plus. Je descends prendre un café après l'émission vendredi, et elle me demande de lui monter un café. Ouais. Mm-hmm. C'est le coup classique de Paulette. Hein. C'est ouais. Quand elle voit que quelqu'un va changer un café, oh, en fait tu peux m'en prendre un. Et moi, sur le coup pour la blague, en fait je lui dis non. Et du coup elle me dit, si tu m'aimais bien, tu le ferais. Oh là. Si tu m'aimais vraiment, eh ben t'irais me chercher un café. Oh dur. Ouais. Ça, c'est je dur. Pense. Que c'est la phrase qui une des phrases qui m'énerve le plus au monde. Mais oui. Oh. Ouais. Je propose un petit jeu con. Ouais. Ok. On va s'engueuler. Mmh. Quelle est la phrase qui vous énerve le plus, Nico? Le non rien c'est bon de ma femme. Tu sais quand elle parle dans sa barbe. Ouais. Ah oui. Elle est dans la cuisine. Elle est dans la cuisine. Elle dit un truc. Je dis qu'est-ce qu'il y a? Tu sais que c'est un reproche. Hein. Ouais. Elle te fait non rien c'est bon. Putain mais répète. Oula. Non mais c'est pas bien. Déjà tu me parles, je t'entends pas. Et en plus, ça va être de ma faute parce que je t'ai pas entendu. Je vois ce que tu veux dire. Non, le non rien c'est bon, c'est chiant. Mais si elle parle dans sa barbe, c'est parce que toi tu aurais dû justement comprendre ce qu'il y avait dans sa tête. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Mais non, Isabelle, donc il faut qu'on comprenne ce qu'il y a dans votre tête. Il faut qu'on comprenne ce que vous disiez quand vous parlez dans votre barbe. Voilà, t'as compris, Mani, c'est ça. Oui, bah il y a un moment, fais-toi pousser une vraie barbe, tu verras. Ça réglera tous les problèmes. Amélie, bonjour. Oui, bonjour les ouin-ouin, bonjour Annie. Amélie, quelle est la phrase qui peut t'énerver? Alors, c'est celui qui dit qu'il y ait... Les gens qui disent ça, il n'y a aucune répartie, ça m'énerve. C'est celui qui dit qu'il y ait... Amélie, tu vis avec des enfants? Oui, oui. C'est ça. Tu as toi-même beaucoup d'enfants, peut-être? Non, j'en ai deux. Non, mais parce que tu connais un adulte qui dit... c'est celui qui dit qu'il y ait... Oui, il y en a qui le font quand ils ont un peu trop bu, ouais. Oui, donc ce qui est derrière, c'est pas la phrase, c'est ton mari qui est alcoolique. Non, ça va. Merci de nous avoir appelé, Amélie. Quelle est la phrase qui peut vous énerver, Paulette? Tu peux mieux faire. Ça me rend complètement ouf. C'est mon père surtout qui m'a répète tout le temps ça. Dès que je fais quelque chose, par exemple pour le bac, j'ai eu mention bien. Le premier truc qu'il m'a dit, c'est t'aurais pu mieux faire. T'as eu mention bien au bac? Et oui, alors pourquoi ça va, c'est aussi surprenant. La réaction horrible. T'es dégueulasse. J'ai bossé. Mais non, mais j'ai pas dit qu'on n'était pas capable. Ouais. Je suis surpris. Ouais, c'est pourquoi t'es ici avec nous, quoi. Du coup. Bah parce que je vous aime. C'est bizarre. T'as eu mention bien au bac. Bah oui. Mais c'était un bac quoi? C'était un bac L. Littéraire? Non. Bah oui. T'as eu mention bien au bac littéraire? Bah oui, mais j'ai travaillé et j'ai arrêté de faire des siestes pendant 2 mois. Tu fais plein de fautes d'orthographe et tout, comment ça se fait? Non, c'est parce que je suis distraite, mais quand je suis appliquée. Enfin, je suis désolée, je suis en train de dire que je m'applique pas ici, mais. Franchement, si on devait te juger là-dessus, tu aurais pas fait 2 mois. Hein, donc, Kelly, bonjour. Bonjour Manu, salut les Wavins. Bienvenue sur Énergie. Quelle est la phrase qui peut t'énerver? Alors moi, celle qui m'énerve, c'est « prends exemple sur moi ». Alors c'est insupportable, comme si les gens qui disent ça, ils étaient parfaits, quoi. C'est vrai qu'à part moi, je vois pas qui peut... Merci de nous avoir appelé, Kelly. Glandu, une phrase qui t'énerve? Ouais, moi c'est quand quelqu'un me dit « t'es tout blanc, t'as l'air crevé ». Évidemment que je suis crevé. Ah ouais. Alors, pourquoi évidemment? Bah on se lève tôt et tout, oui, mais me le fais pas remarquer, je sais. Moi, je mets pas de fond de teint, c'est facile quand on met du fond de teint. Et puis, c'est un peu le truc qui peut te faire flipper, quoi. Quand toi, t'as l'impression d'aller très très bien, le mec, il dit oula, ça va pas bien là. Tu vas peut-être tomber dans les pommes. Ah, mais moi c'est ça le vrai truc. Ouais. C'est que quand quelqu'un me dit t'as pas l'air bien, et ben d'un coup, je suis pas bien. Mais c'est ça. Non, mais vraiment. Sympa, hein. Vraiment. Ou quand quelqu'un, le pire, c'est quelqu'un autour de moi, genre on a mangé ensemble, un truc comme ça, truc qui est pas passé. Alors là, ça y est, j'ai la gastro, je suis mort, je suis fini, je commence même à écrire un testament et à dire sur ma tombe, tu pourrais mettre ça, s'il te plaît. Je m'emballe vite. Dès 6h, c'est Manu dans le 6-9 qui vous réveille sur Énergie. It's a fine day, people open windows, they leave their houses just for a short while. It's going to be a fine night tonight. It's going to be a fine day tomorrow. It's going to be a fine night tonight. It's going to be a fine day tomorrow. Tomorrow. La la la la la.

Énergie. Wrote some songs about Ricky. Now I listen and laugh. Even almost got married. And for Pete, I'm so thankful. Wish I could say thank you to Malcolm. Cause he was an angel. One taught me love. One taught me patience. And one taught me pain. Now I'm so amazing. So I've loved and I've lost. But that's not what I see. So look what I got. Look what you taught me. Bonjour tout le monde, tout à l'heure 7h05, 8h05, menu double de salaire en 6-9 sur Énergie. Je serai vous, je m'inscrirai là dès maintenant, énergie.fr, sur l'application menu dans 6-9 sur Énergie. Il arrive en direct dès 6h, d'ici là le meilleur de l'émission. Là c'est pour tout de suite et derrière c'est Amir sur Énergie. Énergie vous souhaite un joyeux Noël avec Manu dans le 6-9. Nous allons faire un tour du monde. Si je t'ai vu, je suis jaloux. Dadju, numéro 1 des ventes en France en ce moment. Ouais. Mais qu'est-ce qui est numéro 1 dans le reste du monde? Ah alors, c'est important de savoir ce qui se passe dans le monde. Ouais. Carrément. Allons-y, nous partons en Norvège. Et ouais. Numéro 1 là-bas, Eric Follestad et Lini Meister. On a envie de se prendre par la main et de faire une grande ronde comme ça. Ouais. Ah ouais. Sympa. Hey. Oh, oh, oh. Ils sont déjà dans l'esprit de Noël, quoi. C'est le Père Noël. Totalement. Oh, oh, oh. Hey. Partons maintenant en Italie. Numéro 1 là-bas, Martina Attili avec ce titre. C'est variété. Oui. Ah ouais. C'est pas mal. Là, t'invites à danser, là. Ah non. Ah si, t'invites, là, moi. T'invites à danser là-dessus, toi. Non. Mais toi, tu prendras moins de râteaux que là-dessus. Ah oui, ouais, t'as pas tort, t'as pas tort. Martina Tilia, les numéro 1 en Italie. Moi, j'aime bien. Mm. Partons maintenant en Autriche. Duo. Luciano et Nimo sont numéro 1 en Autriche avec ça. Alors voilà, c'est

Vous êtes sur Énergie, bonjour tout le monde, bon réveil, on est mardi, à tout moment aujourd'hui, vous entendez la playlist Suprême Énergie, vous appelez Énergie 3937, vous gagnez 50 000 euros, ça peut très bien arriver chez Manu dans 6-9 sur Énergie ce matin, il est en direct dès 6h pour vous, le temps de se faire le meilleur de l'émission et Banks & Ranks dans la playlist Énergie juste derrière. Joyeux Noël, avec Manu dans le 6-9. On lit tous les messages que vous envoyez sur les réseaux sociaux, sur notre page Facebook, sur Twitter, sur Instagram aussi. Ouais. Et puis on écoute les messages vocaux que vous envoyez sur l'application Manu dans le 6-9. Vous pouvez nous envoyer à n'importe quel moment un message vocal, c'est hyper simple. Vous téléchargez l'application Manu dans le 6-9, elle est gratuite évidemment. Yes. Il y a une petite icône de micro, vous pouvez pas le louper. Vous appuyez dessus, vous faites blablabla. Et vous envoyez votre message et ouais, ça marche. Ouais, ouais. Vous pouvez dire autre chose que blablabla. Voilà, ouais, c'est ça. Évidemment, c'est ça. Sinon on va s'emmerder. Nico Lueb écoute tout, il le partage avec nous. On a parlé vendredi des choses qui nous saoulent dans certains SMS. Mmh. Oui. Les gens sur Facebook se sont lâchés, hein, globalement. Ah, allons-y. Y a Ben qui dit « Ma femme dicte ses SMS, donc régulièrement, j'ai des trucs du style « Coucou mon amour, à la ligne, ça va ?» point d'interrogation. C'est tout à l'heure, la suite. Ah oui, c'est que le « à la ligne », le SMS le comprend comme il l'écrit un mot. Quoi. Voilà, ce qui peut être un peu chiant. C'est relou. Ouais. Un autre message d'Agnès qui dit « Les gens qui commencent à taper leur SMS, tu vois qu'ils sont en train d'écrire ?» Et le message n'arrive jamais. Ah ouais. Ah, mais ça me c'est chiant fou, ça. Mais alors ça, c'est un vrai souci. C'est sur WhatsApp par exemple. Tu vois bien ça. Tu vois que l'autre est en train d'écrire. Ouais. Ou sur Messenger aussi. Mais il faudrait qu'on teste pour savoir à quel moment. Est-ce que par exemple quand tu commences un message mais que t'arrêtes d'écrire, est-ce qu'il y a marqué encore il est en train d'écrire par exemple. Parce que des fois tu peux commencer un message. Ouais. T'as un truc à faire. Mmh. Tu le poses et tu le finiras plus tard. Mais ça continue à dire que t'es en train d'écrire. Et c'est il faut qu'on fasse le test. On va le faire. Allez. Non mais c'est important parce que ça va aider tout le monde ça. C'est vrai. On va faire le test et on en fera une vidéo de dénonciation. Ah ouais, c'est fort. On va dénoncer le problème de il est en train d'écrire. Ouais. On a des vrais combats ici. Ah non, vraiment, vraiment. Ah là je pense qu'ils sont pas bien. Chez WhatsApp, chez Facebook, ils sont très mal là. Ouais, je commence déjà à avoir des messages. Non, faites pas ça, vous êtes fous. Oh là là. Bon, dans les autres trucs qui nous saoulent à propos des SMS sur Facebook, il y a Romain qui dit les SMS promo des magasins. Ah oui. Alors si je peux aussi, pardon. Bon, je suis désolé. Vas-y. En fait, moi, ce qui me saoule, c'est pas tellement le message que je reçois, c'est qu'ils disent envoyez stop au machin, au numéro, et vous en recevrez plus. Ah, tu envoies? Mais oui. Mais oui. Pour arrêter ces putains de SMS. Ah ouais. Et je sais pas où il est le dernier. Que j'ai, en fait, j'ai une conversation. Ouais. Sur un numéro où moi j'envoie, mais j'ai dû envoyer stop, mais 15 fois. Ouais. Ah ouais. Et alors, ce qui est drôle, c'est un truc de lit. Oui. C'est-à-dire que quand t'achètes un lit, a priori, tu vas pas en acheter un deuxième derrière. C'est vrai. Voilà, je m'adresse à vous. Je sais plus la marque, la literie de je sais pas quoi. Ouais. Voilà, j'ai acheté mon lit. Maintenant, je n'ai pas besoin d'autre lit. Même avec 20% de réduction, je ne vais pas acheter un deuxième lit. Je ne vais pas mettre un lit sur mon lit. Vous comprenez ? Quand on achète un lit, en général, c'est bon. Pour quelques années, on est peinard. Merci de m'avoir écouté. Putain, ça m'a fait du bien. Ça va mieux là. C'est lit. Oh, c'est bon. C'est bon. Bon, il y a aussi notre application Magnan 6-9 sur laquelle vous pouvez nous envoyer des messages vocaux. Et on démarre avec une fille qui pousse un coup de gueule en chanson. Parce que ça passe toujours mieux en chanson. J'en ai marre de tous ces gens qui règlent mal leur phare. Je me les prends dans les yeux chaque soir. Y'en a marre tout le temps. Ok, c'est fait, ça t'a fait du bien. N'hésitez pas, l'application voilà. Manu dans le 6-9, elle est là aussi pour ça. Et c'est vrai que les coups de gueule, quand c'est chanté, ça passe mieux. C'est trop bien. Allez, un petit dernier message. Ouais, un autre message vocal pour quelqu'un de l'équipe maintenant qui parle un très bon sentiment, mais ça peut vexer un petit peu. Petit message pour Paulette. Eh bien, quand on a la volonté, on est capable d'y arriver avec une simple application de régime. En un an, j'ai perdu 20 kilos. Voilà, voilà. Si t'as besoin d'informations, je suis à ta disposition. Salut. Alors, bravo à toi, mais la question c'est, pourquoi pour Paulette? J'avais parlé d'un régime, mais j'avais pas parlé de 20 kilos du coup, puis c'était pas hyper urgent, donc je... Ouais, ouais. Mais je peux me remettre en question, enfin j'ai envie de chialer. Mais non, les gens se mobilisent. Tu sais, pleure, hein, ça fera toujours quelques grammes en moins. Oh, elle est toute belle. J'essaye de voir le bon côté. Ouais. Tout à l'heure. 9h30, Manu. C'est Manu dans le 6-9 sur Énergie. C'est action, vérité, t'aimer ou te quitter. Et l'histoire est sans cesse répétée. Qui commettra la faute? Qui de nous deux claquera la porte? On dirait bien que l'enfer, c'est les autres. Tu sais qu'on en a. Tu sais qu'on en a. C'est qu'on en aura marre. Bang, bang, bang. On se renvoie la balle et tout redevient normal jusqu'à ce que tu tires là où j'ai mal. Tu sais qu'on en a, tu sais qu'on en a. 55, soyez les bienvenus. J'aime ce moment, j'aime ce petit moment où on est entre nous à 5h55. Mmh. Alors que les autres vont se réveiller à 6, peut-être à 6h01. Ouais. Ils se disent, oh, 6h01, on est levé tôt. Eh ben non. Eh ben non, ils ne sont pas levés assez tôt. Peut-être que vous êtes seul, réveillé chez vous, et que quelqu'un va se lever dans 2 minutes. Ouais. Mais vous n'allez pas réveiller cette personne. Non, vous n'allez pas réveiller pour pouvoir profiter seul de notre moment maintenant. Et ça nous montre que la vie ne se joue pas à grand-chose parfois. Hein. Effectivement, professeur Glandu. Comme quoi, on peut la rater ou la réussir à 3 minutes près. Hein. Mais il y a des exceptions, Glandu. Par exemple, on peut se lever très tôt pour être à l'heure au 5-5-5, au club du 5-5-5, et ne pas avoir réussi sa vie. Par exemple, prenons ton exemple. Ah, vous ne voyez pas venir, ça. Merci. C'est joli, je t'en prie. En te souhaitant une belle émission aujourd'hui. Merci, toi aussi. Ouais, ouais. Il est content. Je suis pas mécontent. On démarre l'émission dans 6 heures. C'est Manu dans le 6-9. Mais avant ça, oui, 5h55, c'est notre moment à nous. On se fait un petit plaisir, on s'écoute un titre qui va nous lancer la journée. Et aujourd'hui, un peu d'amour. C'est bien, Manu, ça. Un peu d'amour, je connais pas exactement. Je connais pas les paroles de la chanson. C'est le problème des fois avec les chansons en anglais, c'est qu'on pense que c'est une chanson d'amour parce que c'est beau, parce que c'est doux et qu'on se laisse porter par la mélodie. Ouais. Mais si ça se trouve, l'histoire qui est racontée, c'est l'apocalypse. Ah oui, d'accord. Mais on le sait pas. Ouais. Zara Larsson, Uncover. Ah, vous rappelez de ça? Ouais. C'est beau. Et ben on va s'écouter maintenant, mais je sais pas ce que ça veut dire. Allez. Pour moi, il y a de l'amour. Ouais. Soyez les bienvenus sur Énergie, on démarre dans 4 minutes. C'est Manu dans le 6-9. Nobody sees, nobody knows. We are a secret, can't be exposed. That's how it is, that's how it goes. Far from the others, close to each other. In the daylight, when the sun is shining. On the late night, when the moon is blinding. In the plain sight, like stars in hiding. You and I burn on, put two and two together forever. We'll never change. Two and two together, we'll never change. Nobody sees.